بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 23e leçon, première partie. Bismillahirrahmanirrahim, as-salatu was-salamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Al-as'ila wa lan لما لم يكتب الحسن ومعاوية الواجبات. لم يكتب الحسن لأنه انكسرت نذارته. لا. انكسرت ماذا؟ نذارته. لا. انكسرت نذارته. نذارته. ومعاوية؟ ومعاوية. انقلبت سيارة. لا. هذا تأخر عدنان هذا. لماذا معاوية لم يكتب الواجبات؟ ما هو هذا السبب؟ عندك؟ لأنهما لم يستطيعا. لم يستطيع عذر حسن انكسر نظارته وعذر معاوية وانقطاع الكهرباء. نعم، انقطاع الكهرباء في المرجع إلى منتصف الليل. ولم يستطيع في مثنى. أيوه. يستطيع ويستطيع. لم يستطيع بحسن النون. حسن النون ما بدون حرف الإلا. ما في حرف إلا. استطيعان. هذا ألف اثنين فاعل ضمير. ثانيا لما تأخر عدنان؟ تأخر عدنان بسبب انقلاب سيارته في الطريق. أعيد الجملة. تأخر عدنان بسبب انقلاب السيارات في الطريق. انقلاب ماذا؟ سيارته. لا. انقلاب سيارتين. هو طول ما هو سيارتين فتوقف المرور. اين انقلبت السيارة؟ في الطريق. انقلبت السيارة في الطريق. بالضبط. في المنتعف منعطف منعطف الذي قبل الجسم. رابعا متى انكسفت الشمس؟ انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الناس ما هو حفظ قرأت الثوالين معا. ماذا قال الناس؟ قال الناس انكسفت لموت إبراهيم. بماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم عند انكساف الشمس والقمر؟ أمرنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله ونصلي حتى ينجلي. أن ندعو الله وأن نصلي. استخرج من الدرس الأفعال الواردة فيه من باب إن فعل. يجد كلها. انكسرت انكسرت انقطعت انقلبت انقلبت انخلعت انكسفت انكسفت ينكسفان ينجلي ينصرف. نعم أحسنت. إذا دخل استفهام في الوزن فعلى كيف تقول؟ حمزة الوصف ونبدله بألف حمزة الاستفهام نستعين تقول أنكسر أنقلب أنفعل. ايش بقي؟ اكمل. تمام. اولا لولا ما هذه لولا؟ لولا حرف امتناع للوجود. نعم طيب الجمله الاولى لولا العلم. لولا العلم لتبعنا الاول اتنا. اتنا أي؟ لولا العلم لتبعنا الأول أتانا. كيف؟ أول من أتانا. ثانيا لولا الإسلام لم يجد فساد كثيرا في الأرض. خلي النيال أنت ما لك مع النيال يجلس له. لولا الإسلام لا تجد فسادا كثيرا في الأرض. لا لولا الإسلام لا تجد. لا تجد لولا سبحان الله. الإسلام موضوع مهم. لا تجد فيه. ماضي. لا لا وجدت. لا هو. واعد كل جملة. لولا الإسلام لا وجدت فسادا كثيرا في الأرض. طيب. ثالثا لولا أنك مريض. لولا أنك مريض لحضرت الدرس. طيب. لولا أن البرد شديد. لا درسنا في الخارج. طيب أترك كل كلمات ما يأتي في جملة مفيدة. انفتحت النافذة بسبب الريح. انفتحت النافذة. النافذة. انكسر المفتاح. انكسر مفتاح السيارة. انقلبت الشاحنة في منعطف خطير. تكسر السكين بعد انقطاع اللحم. لولا قدمي مجروح لا خست الذهب أو أذهب معكم. لا خست الذهب ولا خست أذهب. لا الذي قلت هو صحيح. ليش؟ لولا قدمي المجروح. لولا قدمي المجروح النبي بليس المجروحة. مجروحة. أخذت الذهب معكم. طيب. هكذا. نعم. هكذا. طيب ندخل في الدرس 23. بعد ب. في وزن جديد وافتعل. وزن جديد وافتعل. من المزيد الثلاثي الآن من الخماسيات. عندنا خمس أشعث. أنت تقرأ حامد يا عبد الرحمن. أنت المصطفى. أنت المختار. وأنت ويليام. تفضل يا من المختار؟ مختار من؟ من المختار؟ أنت. يا أستاذ إن لدي اقتراحا. يا بروفيسور جي اون سوجيستيون بروبوزيسيون اقتراح سوجيستيون بروبوزيسيون. انتظر حتى أطلع على هذا التعميم. تعميم بعد قليل. نعم ما اقتراحك؟ Ok, dit, attends jusqu'à ce que je lise cette note, après peu. Il dit oui, quelle est ta suggestion? Donc il dit certes, notre classe, c'est-à-dire celle-ci, est devenue serrée, extrêmement serrée. Mustahiman est rempli, bondé, jiddan beaucoup. Quel est ton avis si nous nous déplacions vers la classe qui est au deuxième étage, car elle est libre maintenant, elle est vacante. D'abord, c'est l'étage. إن هذا رأي سديد سأكلم المدير فيه اقرأ الدرس يا مصطفى كدي سولت une bonne idée une bonne avis سديد c'est bon juste j'en parlerai au directeur lis le cours au مصطفى بعد الاستعاذة بسم الله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسس ولا تخطب ولا يخطب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا Donc après avoir fait l'estirada la basmala, il dit dans le sens relatif à approcher, vous qui avez cru, éloignez-vous de beaucoup de suspicions. Certaines suspicions, vous pensez, on va dire, sont un péché. Et ne faites pas de médisance les uns sur les autres. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Alors vous détesteriez cela. Alors craignez Allah et certes Allah est grand accueillant au repentir et miséricordieux. نكتفي بهذا الدرس. راجعوا الدروس السابقة واجتهدوا. فقد اقترب الامتحان. Dit, nous nous contenterons de ce cours. Iktafa se contenter. Révisez les ders précédents et soyez studieux. Faites des efforts. Car l'examen approche, c'est tout simple, approché, est proche. Il s'est approché. Mokhtar. Nous le pensions loin, et soudainement le voilà proche. Faïza, ça va venir à la fin de l'ers, Faïza Foudjaïa. Quand est-ce que se terminent les études au professeur? Il dit Azunnoura tantahi fi muntasif al-shahr. Je pense qu'il se terminera en milieu de ce mois. Alana muntahinun min kharij al-ma'had. Donc il dit, est-ce que des personnes il y a des autres extérieurs, externes au et à l'institut, à l'école, quoi, participeront à l'examen. C'est le candidat, en fait. L'examen. Celui qui passe l'examen, c'est un moumtahin. C'est quoi ? Est-ce qu'il y aura d'autres candidats extérieurs à l'école ? Il y a les qui participeront avec nous. نعم سيشتركوا في الاختبار الشفوي ممتحنون من خارج المعهد يديوي participeront à l'examen oral des candidats externes à l'école الشفوي نعم الشفوي oral الحق لأن أدخل ما اسمه هذا؟ وليام أيوة على هدي وليام أصلا يا أخي إذا ما أسلمت تأخذ اسما مسلما تبقى أنه مسلم العلماء يقول ما يجوز تقول أنه كافر سوف تشبه بهم سوف تشبه بهم وليام أخي أحق لي أن أدخل في الامتحان فقد التحقت متأخرا Il dit, aurais-je droit de rentrer dans l'examen car je suis arrivé en retard. التحقت c'est genre je suis rentré quoi dans la en retard dans le cursus scolaire. Yahekou, est-ce que j'ai droit? Est-ce que c'est un droit pour moi? Jamais islamé ne prennent pas le koufar. Abadan. Ils ont un stade assez grave, ils ne sont pas arrivés à un stade là. Alhamdulillah, ils ne sont pas arrivés à un stade pour des koufars. Mais il ne pas d'autres matières, je sais pas quoi. Non, je l'ai entendu. Si, tout bien, mais sinon, tout lève, c'est bon. Il n'y a pas de koufar. Alhamdulillah, c'est pas arrivé à ce stade-là. Qu'elle les en préserve. يقول نعم من التحق قبل الامتحان بشهرين فله حق الدخول في الامتحان. Celui qui est rentré deux mois avant l'examen, il a le droit de rentrer. Ya Oustaz, ça arrive au Radam, ou à Barbradim, Fayounani, ou Safirun, il a dit d'accord. Farjir, il dit au professeur, je serai absent demain et après-demain, car je m'en vais en voyage à Judda. J'espère que tu me permettras cela. À la bout de Minadat Safar, est-ce que ce voyage est-il obligatoire? Il dit oui, par là, je suis cette contrainte cela. لا بس إذا مررت بمكتبة هناك فاشتري لي كتابا اسمه المسلمون على مفترق الطرق. Donc il dit bon pas de mal. Si jamais tu passes par une librairie là-bas, alors achète-moi un livre intitulé Les Muslimoun à la مفترق الطرق. يعني مفترق c'est carrefour. Les lieux où les chemins se divisent. Un truc, c'est un livre de quoi ça? Voilà, je ne connais pas. Pardon. الأسئلة التي سأتي ما اقتراح حامد؟ Quelle est la solution de حامد؟ ثانيا نهى الله تعالى في الآية الكريمة الواردة في الدرس عن ثلاث أمور ما هي؟ Que Allah تعالى dans le noble verset exposé dans le cours a interdit trois choses. Que sont-elles? ثالثا بماذا شبه الله تعالى الغيبة؟ فقول الله سبحانه وتعالى في الرسول لا مجيز الغيبة. الضاد، c'est possible ça vient avec un ضاد en fait sans la barre. Avec ايش؟ Sans la barre. الضاد avec un ضاد. Un ضاد؟ Ouais, parce que des fois ils prononcent le ضاد et le ضاد et c'est proche en fait. Ouais, c'est proche. Non, non, le ضاد c'est ضاد. C'est avec une barre. Il y a pas, ça peut pas venir sans la barre. Quelle barre? La barre du pas, enfin du doigt. Ah, va, c'est un va. Ça peut venir au doigt. Là. c'est Zon, avec Ikhraj et Lissad. Zon. La Katafrim. Zon. طيب يقول ثانيا من أبواب الفعل الثلاثي المزيد باب افتعل زيدت فيه حمزة قبل الفاء وتاء بعدها نه ارتفع اشترى انتظر parmi les verbes ثلاثي المزيد il y a un nouveau chapitre qui est افتعل auquel on a ajouté حمزة avant le فاء et un تاء après comme ارتفع qui veut dire s'élever اشترى qui veut dire acheter انتظر qui veut dire attendre. يقول استخرج من الدرس الأفعال الواردة فيه من باب افتعل. On trouve dans le cours les verbes qui sont sur cette mesure. تعمل المثال ثم هات المضارع والأمر واسم الفاعل والمصدر من الأفعال الآتية. Donc on dit les exemples suivants. Il donne le مضارع et le أمر et l'isme الفاعل et le مصدر des verbes suivants. مثلا انتظر المضارع ينتظر الأمر انتظر اسم الفاعل منتظر والمصدر انتظار رواز افتعال طيب اشترك كيف جاء participer يشترك يشترك اشتراك اين الامر خلع على الامر ما هو اشترى بها اشتركوا اشترك نعم اشتراك اشتراك نعم امتحن ممتحن ممتحن ممتحن امتحان اجتمع réunir se rassembler اجتمع اجتمع اجتمع اجتمع اختيار Tahana, c'est dire quoi? Éprouver, enfin. Tester. T'as juste un petit hand fit din? T'as juste un petit hand fit din? Un petit hand. T'as le droit de tester un muslim? Savoir sa position ou quoi? Ça t'as coulé, t'as le coup de chasse? Marco le config à l'heure? Tu dis quoi ça? T'as le droit? Non, d'ailleurs. T'es sûr? Pas de dalil. Pas de dalil. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Imratun ayyallah. Imratin. Imratin ayyallah. Ayyallah. Ayyallah. Qadat amna awa fi sama. Ma qad aman ana qad anta rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Limu'awiyya. Limu'awiyya. A'tik hafa yin ha. A'tik hafa yin ha. Mu'awiyya al-Khalif. C'est le calife, Mouawiyah. Allazi yasbaha khalifa. L'anna al-jariya kanat ra'iyah li ghanami wa ukila ahad al-kibesh bidhib. C'était une bergère qui a laissé ses troupeaux et un loup qui a mangé un de ses moutons, donc il a frappé au visage, il a giflé. Après, il a regretté. Après, il a amené pour les compagnes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit ce qu'il a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas. Il n'a pas aimé ça, le fait de dire t'as pas frappé au visage. Après, il lui a posé ces questions-là, et à la fin, il a dit à Mouawiyah, libère Allah, parce que c'est le bon pilat. Donc, de là, de ce hadith-là, t'as le droit de tester un musulman sur sa position, même sur un filon ou n'importe quoi. Parce que t'en as, ils ont aussi fait croire que là, ça, c'est une bid'a. Bon, surtout les juifs qu'ils n'aiment pas. Quand ils en servent, ils ne veulent pas le dire, surtout tu viens à elle. C'est du quoi sur Foulen. Quand tu poses des questions, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien. Si tu l'aimes bien, dis-le. Et si tu ne l'aimes pas, dis-le. Et tu dis pourquoi. Mais c'est que, par exemple, tu dis, ouais, tu dis quoi d'Abul Hassan ? Et s'il l'aime, comme il sait qu'Abul Hassan il a été critiqué, il va dire, pourquoi tu poses ces questions à toi là ? Tu dis, il n'y a rien, rien, il y a chier. Tu vois ? Donc ces gens-là, tu leur dis quoi avant ? Tu veux jouer avec eux ? Tu veux les conseiller ? Tu poses une question anodine avant. Tu vois, une question anodine avant. Par exemple, tu dis. Non, tu poses une question d'une personne qui est appréciée par tout le monde en général. Tu vois ? Tu dis, oh, il y a des frères, ils passent chez Albani, Auzubillah, kaza, kaza. Lui, je vais réagir, tu vois. Comment ? Non, non. Tu lui dis quoi d'Abul Hassan ? Il va dire. Pourquoi il pose cette question-là ? Tu attends, il y a deux secondes. Albani t'a parlé. Sans problème. Pourquoi Abul Hassan t'a un problème ? Pourquoi tu vas parler ? Et là, tu vois, et s'il est non, s'il n'est pas, il va te dire, il fait Hizbi, kaza, kaza. Et tu vois qu'il y a une sorte de réticence, tu vois, un peu crispé là. Et un taf, il cache, il pourrait quelque chose, quoi. Tu lui dis juste que je te suppose de chercher rien. Hein ? Il pousse pour trois détails. Ah ouais, non, j'ai pas été à ce stade-là encore. Tu penses que tu regardes, tu ne crois plus. Il dit tout. Non, il dit ça quand il sait que le Rassad, quand ils sont devant un Sami, tu parles pas comme ça. Que c'est devant un frère qui est ferme, ils ne jouent pas les manas. Entre eux, ou devant les Johel, Hadjouli, Kaza, Wakaza, demain il y a un frère qui sort des mèches, qui connaît la fitna, tu dis quoi de Hadjouli ? Il va dire, moi, je vais prendre la fitna, ou Charabi, elle a parlé, sauve. Attends, viens, on va discuter. Non, j'ai pas le temps, Charabi, elle a parlé, c'est bon, je m'en vais, il sauve. Tu dis, attends, moi, je veux qu'on discute de ce qu'il a dit, pourquoi il l'a dit, comment il l'a dit. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ou quoi ? Je veux savoir, parce que moi, c'est mon cher. Al-Hajjouli, c'est des erreurs. Je parle de chez lui, Auzubillah. J'ai dit, devant Moutadir, explique-moi, viens m'expliquer. Et là, il a peur de toi. Parce qu'il sait que toi, tu connais la fitna, t'étais ici. Donc il a peur, il sauve. Si c'est un petit joueur, c'est un petit jeune, il sait pas trop, il va dire, ouais, mais il a fait ça, tu lui mets arrêté, t'es pas au courant. Quoi ? Tu donnes une réponse à chaque chouette. Ah, c'est vraiment, j'étais pas au courant de ça. Eh ben oui, maintenant tu sais, Alhamdoulilah. Non, tu sais. C'est la fin du site. Et mais t'en as d'autres. Ils vont sauver. Mais crois-moi bien, Qsim Billah, qu'un maftoun, un hizbi, s'il vient, il va faire Thabit, il n'a pas de nakash. Il va sauver direct. C'est pour ça qu'ils font les malins comme l'autre, là, du Birmingham. Là. Il vient de Mohamed en France, il fait le malin devant un auditoire, personne ne connaît, il n'y a personne de match. Donc il commence à rigoler. Quand ça se moquait des gens des mèches ou quoi, avec son ton là, complètement hautain, mais il aurait un frère Sabit qui l'aurait attrapé, crois-moi bien que au moins je le malin. Tu vois ? Un frère Sabit peut bien voir, on va discuter toi et moi là, qui dit que Shahel a battu Rothman. Comment il a dit ça ? Il va dire si, c'est parce qu'il a dit que l'Azan, c'est l'Azan Arwal, c'est le Bida'a. Je suis donc pour toi quelqu'un qui fait le Bida'a, ça m'a dit. Si tu dis oui, tu dis de Haddadi alors. Ça, c'est parmi les roufs de Haddadiya. De rendre Moutadiya celui qui tombe dans le Bida'a. Tu dis non, on n'est pas de Haddadiya, le Salafi. Après, il dit, tu vas dire, non! Alors, pourquoi il dit que c'est Moutadir? Bon, c'est vrai, il a dit la Zad et la Rose, Moutadir, c'est vrai, il l'a dit. Et il a dit ça, les qui l'ont dit. Tu peux dire ce que tu veux. L'Abdou Omar qui l'a dit, l'Afa le Sahabit. Et il a plein de salafs qui l'ont dit. Donc, déjà, par rapport à ça, tu ne peux pas le blâmer. Il n'y a pas Ijma, d'une part. Deuxièmement, tu dis que c'est un mot, il a dit que ça va être Bida. Donc, si tu le dis, c'est que tu l'as entendu, tu l'as lu. Où t'as vu ça? Et là, il va bégayer. Il va sortir les malazines des maftes. Ouais, j'ai lu ça dans le truc de Arafat. Je sais qui est Arafat. C'est quoi la réponse de Arafat ? Dans quel livre il a dit que Hadjouli l'a dit, Osman c'est un Moutadir. Où il a dit ça ? T'es en train de mentir sur Hadjouli, tu sais que t'as pas le droit de mentir. Même si tu fais la honte, t'as pas le droit de mentir. Même si tu fais la honte, tu peux pas dire ça à l'outil. Mayajouz. La Mabalouka bi Alim Salafi. Donc tu dis maintenant, t'as dit ça devant tout le monde, t'as bien rigolé. Hein ? Barakallahu fik. Ou là, Barakallahu fik plutôt. Maintenant dis-moi où il a dit ça, que ça serait bidar. Donne. Tu vois, tu l'as dit, il l'a dit. T'as dit, El Hadjouli, il a dit ça. Donc quand il a dit, Fadal. Et là, il va bégayer. Ou peut-être il va se frapper à l'arbre. Tu vois ? Il va s'énerver ou je sais pas. Tu dis, bah, rie, hein, c'est écrit en main, mon frère. Quand tu penses, c'est un Moutadir pour toi, c'est une bonne c'est une chose. On peut pas te blâmer. Mais tu donnes des preuves vraies sur ce qu'il a dit, le Moutadir. Même nous, demain, Boul Hassan ou Ubay Jabili ou Adani, on va pas mentir sur eux. Si on dit, il a dit ça, ou tiens, voilà l'audio. Ou tiens, tel livre. Ou tiens, Foulad, les témoins l'ont entendu. Ça, c'est quand ? Voilà. Nous, on sort un truc comme ça de nos têtes, où il a dit, alors qu'il a jamais dit ça, on n'a pas le droit. Ils font ça. Il a dit, il a fait. Où il a dit je sais pas, on m'a dit qui t'a dit Fouled, ramène-moi Fouled. Non, mais il est pas là, il est où? Non, mais en fait, il est dans un livre, quel livre je sais pas, c'est lui qui m'a dit. Vas-y, on l'appelle. On partage un peu de batterie. Ils vont se sauver, tu vois. Tu dis, Harry, t'as quel là, fait d'un sec. Là, c'est du hawa. Non, tu veux qu'on accache sur Adani, j'avais dit, fadal, maintenant, demain, ce que tu veux, parce que chez eux, je te dis maintenant. Et si j'ai pas l'audio maintenant, je ramène demain. Là, sur moi, là, je l'ai pas avec moi, mais demain, je te ramène l'audio et écoute. Si jamais tu comprends l'arabe, si jamais je te mets ce qu'il écoute. Ou au pire, je donne l'audio, va faire un arabophone, dis-lui, il a dit quoi, la chère Obey, il va traduire mot pour mot, comme je te l'ai dit. Et après, tu pourras que dire, oh, ouais, non, mais il a fait Toba. Où il a fait Toba? Là, là, tiens, écoute, ça, c'est pas une Toba, ça, c'est un talaouk, ça. Parce qu'ils ont osé faire croire que Robin a fait Toba de Kamel Malik. Tu vois? Au début, il a passé Kamel Malik. Personne ne dit rien. Ouais, demain, j'y pense à Sherobay, Kaza, Kaza. Attends, il a passé en Sahabi. Il y a Ahmak. Tu me dis, t'entends ce que je suis en train de te dire là? Il passe en Sahabi là. On doit se taire, même si on était cher pour Zen. Wallah, il aurait été critiqué pour ça. Alors que Jeff, c'est quelqu'un qui a déjà critiqué à la base. Même si on était cher pour Zen, que cette parole là, on ne l'aurait pas laissé passer. Je ne croyais pas que Robin, ça y est, on saute sur lui, comme des hyènes, on ne va pas le lâcher. Non, à la base, il est critiqué, et en plus ça, on ne va pas le rater. Et c'est sûr qu'on ne va pas rater sur lui, comme voilà, sur un savant salafi, comme cette faute-là. C'est sûr. Le slou, il ne sera pas le même. Il a dit, l'Omata, Kabdou Malik, la Mata dans le Modilan. Si Kabdou Malik était mort, au moment où il a eu le Hajj, il serait mort égarant, égaré. Ça veut dire quoi, égarant, égaré? Un sahabi, égarant, égaré, qui a fait Toba. Dans le Coran, Allah, il a dit, il a accepté leur tauba. Comment toi, tu viens, plus de 1000 ans après, tu dis qu'il serait mort, égaré, égaré? D'où ça sort, ça? D'où ça vient, cette parole-là? Comme il l'a dit, cher, Louhaydan, il n'a même pas à dire, mais ici, ici, il n'y a pas de ici. Là, l'affaire, elle est faite, là, elle est écrite. Dans le Mosraf, c'est mon Jude. Il n'y a pas de ici. Tu n'as pas à le chercher ailleurs. Mais je vous ai là. Et en plus, c'est un sahabi. Après, dis quoi? Dans. Donc, toute une période, parce que le défense, ils ne peuvent rien dire, ils sont bloqués. Non, il faut trouver le défense, je suis là, c'est chaud. Là, ils ont tout Covid, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est nouveau ça? Non, c'est vieux ça, il y a au moins 2 ans, cette parole-là, 2-3 ans. Et transpirer là, ouais, attends, comment on va le défendre et tout? Ils disent rien. Ils disent rien du tout. Ah, t'es pas sur Charbet! Il a dit qu'à Malik, ça va garer. Il se tait. Il a une réponse, je vais la chercher, va la chercher. Va en Chine si tu veux la chercher. Tu vas pas la trouver. C'est une Khata, Dinam, il a fait Khata. T'as mais ils veulent pas, ils veulent pas réussir le Khata, ils veulent pas, ils n'acceptent pas, ils ont fait Khata. Et après, c'est passé quoi? Comme le Cherposé était interrogé, et que l'audio a dû arriver à Obey, ou je sais pas, avoir un lève, elle se trouve bloquée. Parce que Cherposé, il dit, avec elle, moi, ça y est, tout le coup. Cette parole-là n'est pas vraie. En plus, elle a été interrogée, qui a dit ça? Tu vois, le questionneur, il dit, ouais, man, Koulukou, je vais dire Koulukada, Kada, Kada, Kada, Kada. Tu connais pas encore, il a là. Il dit, Obey ibn Abdillah al-Jabiri. Elle, Cherposé, il a dit, Takilla, dit Cher Obey. Il a dit ça à Cherposé sur l'audio. C'est un savant, parle pas comme ça sur lui. Cherposé, il est au-dessus de Cherobé, sans comparaison. Il y en a, ils sont du même calibre, comme si c'était deux pistolets. Un en France, ça s'appelle Aïssab de Monaï. Des fois, ils nous ont rapporté ces paroles-là pour défendre Robé. Il dit ouais, Cherposé, Cherobé, ils sont du même calibre. Quoi, c'est des pistolets? Tu comprends pas des savants des pistolets? T'as pas honte un peu? Après, tu dis j'aime le savant, va dire à Cherposé un tabou Sandes. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Donc ils sont du même calibre, comme si genre à l'époque c'est avant la Jahiliya, tu vois. Donc déjà première faute, tu compares deux savants à des pistolets. Sache-le, et je te le dis en toute clarté. Robin, il n'a plus de valeur pour nous. Je n'ai fait quatre tags mieux sur lui. Il est fini pour nous, c'est-à-dire. Ça c'est clair. Si d'après toi c'est deux pistolets tous les deux là, et donc, on voit qu'il y a une différence. T'en as un, c'est une arme de lourd catégorie, et l'autre c'est un petit canif. Ils n'ont rien à voir. Robin, c'est un fils de Moutadia, Cher Rosette, c'est un imam Sanafi. Il n'y a pas de comparaison. Donc il a rod. Est-ce que Cherbani s'est énervé sur le questionnaire? Dis Cherbet, respecte-le. Il n'a pas dit ça, après. Il a dit, bah, Kalem, moi, ça y est, autre goût. Donc, ben, on ne sait pas si on dit autre goût, le où. Il y a bien Robet ou il y a bien Kalem. Je pense qu'il y a bien Kalem, tu vois. Bin Sof, je pense qu'il y a bien Kalem. Genre, cette parole-là, délaissée là, tu vois. C'est passé quoi après? Tiens, bizarre, on voit tout, Cherbet, il a interrogé. Ouais, Koltou, Madel Kalem, ouais, Adi Ibarabo, Hiba, c'est une parole qui porte à confusion. On pouvait croire des mauvaises choses, ce qu'on dit sur Kamel Malik. Il dit que donc après il fait son cinéma, non, nous on a des imams, que lorsqu'on fait une erreur, on revient, donc c'est vrai, c'est une parole qui peut laisser croire qu'il y a une mauvaise attitude avec Kamel Malik, donc je reviens de cette façon de faire. Tu dis là, hein, parce que moi à la base, hein, moi à la base, quand on parle des Sahaba, moi je dis radiallahu anhum, comme le font El Sunna. Hein, donc cette façon de dire que j'ai dit là, je reviens dessus. Et voilà ce qu'on a pris nous avant de revenir sur une erreur. On dit attends. C'est quoi Ibra Mouhima? Ce que tu as dit là, c'est pas une parole claire. C'est un truc qu'on pourrait croire que tu as parlé mal sur Kamel Malik. C'est sûr. C'est du clair, mon frère. Faut arrêter de jouer là. Tu vois, dis, oui, j'ai dit une parole sur le cas de Malik, et il y a eu un parle de je voulais pas dire ça, mais je me suis trompé en disant ça, je reviens sur la parole complètement. Il n'y a pas Ribola Mouhima, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'est pas Mouhima, c'est Wad, il y a ce que tu as dit. Dol Boudil. Je ne vois, je lui attends un Dol Boudil. C'est un temps ou c'est pas un temps? Non, non, excuse-moi, ça peut être confusion. Tu veux dire quoi là? C'est pas un temps, c'est quoi que tu veux dire? Je suis pas dans la forêt ou dans le djinn? C'est dans la forêt là, j'accepte. Je ne suis pas dans la rue là, c'est dans mon dîme. Attention, dans le bouddhisme, c'est j'ai peut-être dire. T'es un égaré. Toi, tu t'es égaré. Et bouddhisme, t'as égaré les autres. Un sahabi. Alors qu'on a un texte. Wow, dire sahir qu'il a fait toba. Une toba sadika. Mais eux, c'est sincère dans ce qu'ils ont dit. Donc lui, par rapport à ça, il a vu quoi l'ordre d'Allah de leur faire faire le hajj. Et personne ne leur parle. Mais là, ils savaient que c'est dans leur cœur que c'est sincère. C'est quoi pour les éprouver? Pour les élever en degré, et en même temps, ils le sont pour les autres. Et malgré ça, que tu aies eu un hajj, ça ne veut pas dire que tu es... ça ne réduit pas de ton rang. Ça ne réduit pas de ton rang. Mais c'est une chose, pourquoi? Pour t'élever en degré. Une épreuve pour toi. Donc de là, c'est passé quoi? Ben, il arrive sa tauba. Et quand il a fait sa tauba, ils ont eu presque des pancartes. Il a fait tauba! Ah, donc il avait une erreur là. Il s'est bien trompé alors. Donc quand il s'est trompé, pourquoi nous, on était des hadadiyam, des chadilou, non? Et maintenant qu'il a fait tauba, ils ont traduit direct. Je rebête, il a fait tauba ou je sais pas quoi. Et tout le temps là, avant qu'il fasse sa tauba bizarre là. Vous étiez où? En fait, je rappelle, lui, il disait qu'eux, ils sont à la hata. Il a dit si c'était mort, si il n'avait pas le Kab Malik, il n'a pas parlé des autres. Il a dit si Kab Malik serait mort au moment où il est marjour, il serait mort Dallam Boudillah, il serait mort égaré, égaré. Et il a dit ça alors que le Coran a bien stipulé qu'ils aient fait une tauba sadika que Allah il a accepté. Donc pourquoi tu dis cette parole-là? Il n'y a pas lieu de dire cette parole-là. Elle n'a aucune faïda, ce n'est quoi? Attends, c'est Shane Kab Malik. Il a dit ça dans des fatwas? Dans un ders. Il expliquait justement le hadith de Kab Malik. Et Kab, lui, il disait quoi? Que je craignais de mourir ou que je meurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui, c'est normal. Sur le moment, il ne sait pas ce qui va lui arriver, lui. Donc lui, il craint pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, c'est tawadou. Il est humble. Il ne dit pas, oh, c'est bon, moi je fais une toba, je vais. Non! C'est normal. C'est normal, lui il a peur pour lui. Tout le monde a peur, même en tant que vivant, même demain, l'Abbé Salem, il a promis à 10 le paradis, ils ont continué à acheter à eux, ils avaient peur pour eux. Et Kab Malik, il avait peur pour lui, c'est normal, on ne peut pas le blâmer. Mais toi, t'as pas arrivé derrière pour sa parole, il dit ouais, comme il a dit ça, moi je peux le dire aussi. Non, lui il avait une raison de dire ça, et c'était un moment où il ne savait pas. Et toi, tu dis ça quoi? Vers 1400 ans, alors t'as eu un texte qui te dit quoi? C'est fini. Il a été pardonné. Mais c'est vrai que quand il est venu à Obeid avant la fitna, les Hizbi, ils disaient ouais, lui c'est un dangereux. Quand il est arrivé la première fois au Yémen, ils l'ont tous jeté. Tous, les... À part. Ce qu'on appelle les machères du Yémen. Ah. Même le Wasabi, il a fait, n'est pas avec moi celui-là, comme ça il a fait. Ah ouais, avec sa main, là, vas-y, ne ramène pas celui-là. Ah, t'imagines un peu. Aujourd'hui, ah, chez Obeid, ah oui, bah oui, le Hajjoudi, il faut le faire tomber, on est copains, toi. Ça laisse bien, mon frère. Toi et moi, maintenant, on est soudés, on est liés. Il n'est pas avant maintenant. Quand il a pas qu'il est venu, ils ont dit pourquoi il vient. Tous les machères, les gens du Yémen, là, ils ont dit pourquoi il vient. Il a été à Chir, chef de la Baleine, il a fait quelques jours là-bas. Et ils l'ont tous rejeté. Qui c'est qu'il a accepté? Cheikh Yahya. Il l'a amené ici, à Kramo. Il a fait 2 ou 3 heures ici. Ah, il n'est pas venu. Ah, je croyais que c'était un jour au lieu de rester une semaine. Non, il a fait quelques heures. Je n'ai rien qui m'a C'est quoi son... C'était déjà à l'époque. À l'époque, ça sentait qu'il n'aimait pas des matchs. Ça sentait qu'il n'aimait pas des matchs. Comment tu restes deux jours à Chir, hein? Un mec, qu'est-ce qui est à la base, à l'époque, un mec, il n'est pas critiqué, tu vois. En apparence. Donc tu vas dans une annexe pendant 2 jours, et l'origine, le centre, le siège, tu restes quelques heures. C'est bizarre quand même, quoi. C'est suspect, tu vois ce que je veux dire? C'est extrêmement suspect. Et deuxième fois, il revient, il est clair, il va en carton de mèche, tout le monde l'accueille. Il y a Chirobet, Tfadol maintenant, il y a Chiranan, Tfadol maintenant. Quand il a, vraiment, il montre son animosité pour des mèches, tout le monde l'accueille. On dit, attends, vous n'arrivez pas là. Et après, on dit, non, on ne veut pas, nous, le Chayahia, on est avec lui et tout, on veut la fitna, on ne veut pas. Ça, c'est pas d'abandon, ça. L'autre, il vient, il met en garde que Demèche, vous défendez. Et elle dit, on n'accepte pas le temps dans Demèche. On n'accepte pas quelqu'un qui passe Demèche. On n'accepte pas qu'on passe sur Sha'ar al-Hajwari. Obadiah Jabili, il vient, on l'accueille tous. Et vous savez qu'au vient, il veut au Yémen, il parle sur Demèche, sur Sha'ar. Et vous l'accueillez tous chez vous. T'appelles ça quoi? Après, il dit non, nous on veut pas la séparation, nous on veut dire les rangs et tout. Comme au début, quand Sha'ar il virait tous les mafoutous de Mèche, les huiles, qui c'est qui les accueillait? Fouyouche. Là, il n'y a pas quoi Fouyouche. Marba, Mohamed Al-Imam. Viens chez moi, viens chez moi. Mais comment? Moi, je les vire, toi, tu les prends chez toi. Moi, tu viens avec un barbare, il n'est pas chez moi, Sha'ar Hadi. Toi, Mohamed Al-Imam, tu vires, à cette époque, hein, tu vires un talib de barbare, on s'est fait une façon de nous fitter chez toi. Mais je ne cherche pas chez moi. Et je dis que tous les belles classes, personne n'accepte. Mmh. T'as fait pas au bas. Moi, je les vire. Et vous, les bras ouverts, c'est moi que vous cherchez à faire là. Mmh. C'est Tahadish, mon frère. Il va faire genre, tu vas pas, viens chez nous, viens. Mais par contre, tu ne vas pas sur Sha'ar. Hein. Tu viens chez moi, tu veux. Non, moi, je ne suis rien. Alhamdulillah, c'est des gens qu'on fait entre lui et moi. Mais entre, à la base, entre lui et moi, il n'y a rien. Alors qu'ici, il mangeait sa chair, il parlait sur lui, le démontait, le critiquait. Après, il arrive là-bas. Non, moi, je ne peux pas sur lui. Et un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, là, Hadjouli, Haddadi, Kaza, Wakaza, Wakaza. Et tu dis le contraire, tu fais bien une barbare maintenant. Va à barbare, il a dit, fais l'éloge sur Sha'ar, tu vois ce qui est arrivé. En tout cas, c'est des gens qui jouent tellement de dîmes que voilà. Bon, nous, Rafid, regarde, dis-moi, j'ai acheté des savons et tout. Parce que le savon et tout, regarde. Ils n'ont pas honte. A'oudhoubillah. نوقفنا تمام يكون رابعا تعمل المثال ثم انقل الافعال الاتية لباب افتعلا donc regarde les verbes suivants et ensuite transformez-les sur la mesure افتعلا زحبا qui veut dire bousculer, encombrer, serrer, entasser ça devient quoi إذ ذهب إذا كانت فاء افتعل دلا أو ذلا أو زيا أبدلت تاؤها دلا donc ça veut dire quoi si le fait du verbe c'est un دل ou un ذل ou un زي on le transforme en quoi en دل parce que le مخرج est proche مخرج الحروف قريب donc ces trois lettres là pour faciliter la prononciation. طيب زاد ازداد ازداد ازداد زنا يزين في عمليا من الزينة ازداد ويا يزدين المعنى ازداد في عمليا ذكر عندك الذكرى الذكرى الذكرى الذكرى الذكرى الذكرى الذكرى الذكرى الذكرى الذكرى دعا الذكرى الذكرى الذكرى الذكرى الذكرى الذكرى الذكرى الذكرى الذكرى الذكرى الذكرى الذكرى ادعى طيب ça c'est parmi les ensoises là il y a des transformations de lettres là c'est la première ثم يقول تعمل المثال ثم انقل الافعال الاتيه لباب افتعل مثلا صبر صبر ça veut dire quoi استبر طيب استبر يقول إذا كانت فاو افتعل صادا أو طاء أو ذاء أبدلت تاؤها طاء donc si jamais son fa c'est un صاد ou un طاء ou un ذاء on le met en quoi en طاء par exemple là صبر son quoi son fa c'est un صاد donc on va dire quoi استبر C'est se faire patienter en fait. وَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا كما قال تعالى طيب أظن أن تفعل الصلاة صلاة يباسون دفي أو رب السماوات والأرض فاعبدوه واصطبر عبادتي هل تعلمون له نسيا سميا هل تعلمون له سميا طيب في سورة مريم واستبع عليها أي العبادة لله. طيب ضرب اصطفى أول صفى أولا اصطفى اصطفى سلام الله مصطفى نعم مش مفعول المصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب ضرب كيف تقول ضرب ضرب ضرب وهذا بمعنى كفر. طيب لا الضربة سيت كونفيو افن دون لا كونفيون الضرب سي لا كونفيون ظلم ظلم استظلم الظلم طلع اي طلع ايوا لان الان هنا طعان لا دو طعان دونك ما تشد اطلع ديكوفرير لي اون شوز اطلع سي ديال مونتي نعم اطلع تقول اطلعت ولا هذا شيء جي ديكوفير سيت شوز. طيب سادسا تعمل مثال ثم نقول الافعال الاتيه لباب افتعل نفس الشيء يقول مثلا وقى وقيا non c'est waqa c'est waqa t'as quoi j'ai le nom non c'est waqa c'est waqa donc waqa à la wazn ifta'ala t'as quoi ittaqa iza kanat fa'u ifta'ala wawan ubdilatta donc si le fa du verbe c'est un waw tu transformes en ta donc waqa c'est quoi ce qu'on fait c'est un waw donc tu dis quoi ifta'ala ittaqa ittaqi. Encore là-bas, ça veut dire protéger, protéger ouais, donc il t'accord, c'est se protéger, mais ça veut dire quoi? C'est se protéger de quoi? De la colère d'Allah, de son châtiment. Wa sala, itta sala, amen huna. Wa hada, itta hada, itta hada. وفقا اتفقا اتفقا واتحدا سي سي دير سون شوز. يقول اذكر اصل كل مما ياتي ثم بين بابه دونك يدي سيت لوريجين دو tout ce qui est cité là et ensuite donne son chapitre d'où il est. انتظر يكون مثلا اصله نظر من باب افتعل زدت فيه الحمزه والتاء دونك انتظر في الماضي سي نظر دو وزن افتعل انا اشتي دو حمزه والتاء انكسر عندك هذا الضغط نعم ايش الحمزه و نعم و والتاء اي تاء انكسر انكسر و والنون اي نون انفتح اصله فتح من باب افتعل انفعل نعم ايش تبدا فيه الالف والنون. طيب انتشر انتقل عفوا انتقل انتقل من نقل نعم وزد في الهمزه والتاء نعم انتقل اي وزن وزن افتعل نعم انتشر انتشر أصول نشر على وزن افتعل وزيدة ألف والتاء انقطع انقطع من قطع قطع وزدت الحمزة والنون انتصر أصول نشر على وزن افتعل الى هنا والحمد لله.